Chapitre 14e. Cornélie, en grande tenue, a fit pareillement. Le jeudi matin, on se leva joyeusement à Westline. Toutes les cloches étaient en branle et remplissaient l'air de leur tumultueux et bruyant carillon. La foule inondait les rues. On se pressait aux fenêtres. Partout régnait une animation extraordinaire. Westline allait faire choix de deux candidats. La proclamation des noms devait avoir lieu à 10 heures. Mais bien avant 7 heures, toutes les rues étaient encombrées de curieux. On y était accouru de tous les points du comté, riches et pauvres, notables et non notables, électeurs et éligibles. Les curieux foisonnaient dans tous les coins. L'audace de Levison, qui osait se poser en rival de Carlyle, donnait à cette élection un caractère original. Barbara, ses enfants et l'institutrice arrivèrent en voiture. L'institutrice avait exprimé le désir de rester à la maison, sans que Barbara y consentît. Elle fut même presque blessée de tant d'indifférence, car il s'agissait de Carlyle. Il fallait d'ailleurs que Madame Vine prît soin de Lucie, tandis qu'elle-même, Barbara, s'occuperait des enfants. Voilà donc Madame Vine forcée de monter en calèche. Elle s'assit vis-à-vis de Madame Carlyle, cachée par son voile épais et portant ses lunettes, dont la teinte bleue contrastait avec la pâleur de son visage. Ils descendirent de voiture à la résidence de Mademoiselle Carlyle. Il s'y était déjà formé un véritable rassemblement. On y remarquait Lady et Mademoiselle Dobed, les Herbert, Madame Hare et d'autres encore. La maison était parfaitement située pour voir la cérémonie. Cornélie était dans sa plus grande tenue. Une robe roide de brocart et sur la poitrine, une rosette écarlate et rouge a effrayé une bande de taureaux. Enfin commença la grande affaire de cette journée. Carlyle fut proposé par Sir John Dobed. Deux messieurs de notables proposèrent Levison. Le vote à main levée fut en faveur de Carlyle, qui eut 20 fois plus de voix que son concurrent. Les amis de Sir Francis réclamèrent le scrutin. Ce fut alors une scène de confusion tumultueuse. La foule se précipitait vers les tribunes électorales, qui se trouvaient placées dans un endroit convenable au scrutin. Candidats, électeurs, amis, fonctionnaires, populace, s'avançaient en masse compacte et confuse. Carlyle et Sir John Dobed se tenaient par le bras. Il fallait, avant d'arriver, passer devant la maison de Cornélie. Le jeune Vane, qui se trouvait bien entendu au milieu de la foule, leva les yeux vers les balcons chargés de curieux et agita son chapeau en l'air en criant « Vive Carlyle et l'honneur !» Les dames rirent et lui firent un signe de tête. Elles agitaient leurs mouchoirs et étalaient leurs rosettes rouges et écarlates. La foule répondit au cri de Vane avec tant de fureur que les nuages en furent ébranlés dans les airs. « Vive Carlyle et l'honneur !» Barbara pleurait et souriait tout à la fois. Ses yeux avaient rencontré ceux de son mari. « Voyez donc ces balcons. Ne dirait-on pas des corbeilles de fleurs ?» dit Drake à l'oreille de Levison. « Comme les femmes se rallient tout autour de lui. Franchement, Levison, vous et le gouvernement, vous n'y pensiez pas de lutter avec cet homme-là. Vous auriez dû vous retirer à temps. Comme un lâche, n'est-ce pas ? Non, non, j'irai jusqu'au bout. Dussé-je être battu. » « Que sa femme est charmante !» reprit Drake, les yeux fascinés par la beauté de Barbara. « Dites-moi, Levison, sa première femme était-elle aussi belle ?» Levison prit un air féroce. L'allusion ne lui plaisait pas. Tout à coup, un homme, un agent de police qui s'était fait ouvrir un passage dans la foule, prit le baronnet au collet en lui disant « Sir Francis Levison, vous êtes mon prisonnier. Lâchez-moi, canaille. Apprenez qui je suis !» s'écria ce dernier en se débattant avec rage. L'agent de police se pencha, exécuta rapidement quelques mouvements et Levison avait les menottes. Drake, stupéfait, ne pensa pas même à terrasser l'agent. Quelques voix insultèrent seul ce ministre de la justice. « Désolé de vous arrêter en public, ajouta-t-il, mais je n'ai pas pu arriver plus tôt. J'ai le mandat d'arrêt dans ma poche depuis hier 5 heures du soir. Je vous arrête, Sir Francis Levison, comme étant l'assassin de George Hallijohn. » La foule se porta en arrière, paralysée par la consternation. La nouvelle se propagea avec la vitesse de l'éclair et l'irritation de la masse grandissait à vue d'œil. Les dames qui voyaient cette scène des fenêtres de Cornélie n'en pouvaient deviner la cause. Elles n'en étaient pas moins effrayées et pâles d'émotion. Mais qu'était leur pâleur auprès du teint livide et blême de Levison? Son agitation faisait pitié, sa figure faisait peur. Une ou deux fois, sa bouche et ses yeux semblèrent indiquer son agonie. En ce moment, il reconnut Otto et Bethel, qui se trouvaient près de lui. Et alors, un jurement formidable s'échappa de ses lèvres, et la bouche écumant de rage, il s'écria. « C'est toi, chien de l'enfer, c'est toi qui me vaux cela ? Non, pas !» Autrui Bethel jura-t-il par Jupiter ou par Junon? C'est ce qu'on ignore encore. Sa réponse se trouva interrompue en cet endroit par un second agent qui lui mit, comme à Levison, les menottes. « Monsieur Autrui Bethel, je vous arrête comme complice du meurtre de George Hallijohn. » En voilà deux d'arrêter. Tous les yeux regardaient, toutes les oreilles écoutaient. Le colonel Bethel, quittant les rangs des rouges, s'élança au milieu des jaunes. Il savait que son neveu n'était qu'un vaurien, mais le voir avec des menottes. « Que signifie donc tout ceci ? » demanda-t-il d'un air d'autorité aux agents. « Colonel, ce n'est pas notre faute. Nous mettons le mandat à exécution. Les magistrats l'ont lancé hier contre ces deux messieurs, soupçonnés d'avoir pris part au meurtre de Hallijohn. » « De concert avec Richard Hare ?» s'écria le colonel, qui promenait des yeux hagards tour à tour sur les prisonniers et les agents. « Colonel, on prétend que Richard Hare n'a rien fait dans cette affaire. » « Eh bien, moi, je jure que je suis innocent !» s'écria Bethel avec véhémence. « Très bien, monsieur, vous n'aurez qu'à le prouver, » répondit l'agent d'un ton poli. Cornélie et Lady Dobbett se penchèrent au balcon. Leur curiosité n'y tenait plus. Elles voulaient parler. Madame Hare était à côté d'elles. « Qu'y a-t-il donc ?» demandèrent-elles aux personnes d'en bas qui levaient les yeux vers elles. « Il y a que ces deux messieurs-là, le faquin qui prétend aller au Parlement et le jeune Bethel, sont arrêtés sous l'inculpation d'assassinat. Le bruit court qu'ils sont les meurtriers de Hallijohn et qu'ils ont injustement fait peser ce crime sur Richard Hare. » Un faible cri de douleur se fit entendre. C'était la pauvre mère de Richard. Elle s'était évanouie. Au milieu des clameurs, des sarcasmes de la populace, Levison et Otway Bethel furent déposés au bureau de police avant de comparaître devant les magistrats. Jamais on n'avait vu plus mortifiante interruption. C'était l'avis des amis de Levison, et ils jugèrent convenable, après délibération, de retirer son nom de la liste des candidats. Mais il nous reste encore à rapporter un incident de cette journée d'élection. Vous avez vu Mademoiselle Carlyle avec sa robe de brocart, roide de richesse et d'orgueil. Oh, si elle avait pu deviner qui se trouvait précisément au balcon de l'étage supérieur, je ne sais pas quelles en eussent pu être les conséquences. Ce n'était rien moins que celle que Cornélie appelait tendrement l'effrontée, l'impudente, c'était Affy Hallijohn. Les domestiques de Cornélie l'avaient introduite par contrebande. Il brillait là, dans son plus brillant plumage. Elle avait une robe de soie verte et blanche de Florence, garnie de bouillon jusqu'à la taille. Une crinoline incommensurable, un chapeau fantastique suspendu à la nuque avec une guirlande et un voile, des gants d'une blancheur irréprochable, un léger mouchoir de dentelle parfumée de musc. Heureuse Cornélie d'avoir ignoré tant d'audace. Affy posait sur le balcon, semblable à ces énormes fleurs rondes et jaunes qu'on appelait soleil, et versant du haut de sa beauté des regards superbes sur les humbles mortels qui levaient vers elle des regards admirateurs. Il n'est réellement pas mal, dit-elle au servant de Cornélie quand Levison se trouva en face de la maison. « Oh, l'horrible créature !» ripostèrent celle-ci à l'unanimité. « Dire qu'un pareil homme se pose contre Monsieur Carlyle !»« Tiens, voyez donc !» leur dit Affy. « On l'arrête. Il y a des agents de police. On lui met les menottes. Pourquoi cela? Qu'a-t-il fait ?»« Oh, qui? Quoi? Des menottes? À qui ?» s'écrièrent les servantes. « À Sir Francis Levison !»« Chut, que dit-on ? » et d'écouter, et de regarder, et de rougir, et de pâlir. La pauvre Affy n'y pouvait rien comprendre. Elle ne pouvait deviner la cause de toute cette agitation. La réponse adressée à Cornélie et à Lady Dobbett s'était arrêtée au premier étage. « Qu'a-t-on dit ? » s'écria-t-elle. « Bon Dieu ! » fit l'une des domestiques, dont l'oreille était plus fine. « On dit qu'on les arrête à cause du meurtre de George, Hallijohn, votre père, mademoiselle Affy. C'est Sir Francis Levison et Otway Bethel. Que dites-vous ? » cria Affy, les yeux hors de leur orbite. « C'est Levison qui est l'assassin, et Richard Hare est innocent. » Affy épla, pour ainsi dire, toutes ses étranges idées pour en tirer un sens. Puis en proie à un spasme violent, elle chancela et tomba sur le sol. Affy Hallijohn avait perdu connaissance.